j'ai l'impression d'entendre des feuilles par terre. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui arrivent dans les jambes en fait. Comme des, comme des poteaux. Ah, il y a quelqu'un en face. Une démarche masculine. Est-ce que tu te sens déjà perdu ou bien? J'ai pas pris le temps de penser où est-ce qu'on allait. Je pensais au début que, comme je savais où j'étais. Et là, je commence à perdre la notion de distance. Comme je suis concentré pour pas me prendre des choses. Là, il y a un bus qui passe. L'espace environnant, c'est le même pour toi qu'au départ ou ça a changé? Ouais, ouais. En fait, j'imagine, je sais pas pourquoi, j'imagine un pont autoroutier là au-dessus. Je sais pas pourquoi, parce que comme il y a le soleil qui arrive et qui part de temps en temps, donc j'ai l'impression qu'il y a un grand carrefour là devant nous et un pont autoroutier. Je sais pas pourquoi j'ai. Là, je verrais bien une des trois tours. Ouais. Tu la verrais où? Là. Non. Ah ouais, en fait, quand je me tourne, c'est pas ça du tout. Non, là, du coup, il n'y a rien. J'ai l'impression. Là, en fait. Comme ça. Les voitures sont plus hautes que nous, non? Voilà, je sais plus du tout où je suis. En fait, c'est l'environnement lointain. J'arrive à le situer. Enfin, j'ai l'impression de voir ce qu'il y a. Je me le figure. Mais l'environnement proche, par contre, pas du tout. C'est quand même beaucoup plus calme là. Ils sont carrément. On est carrément sorti de la circulation. Ouais. Donc là, on est. Donc là, il y a un truc qui s'est ouvert. Sur la gauche. Ah là, il y a des bruits métalliques. Une voiture derrière nous. Du coup, on quitte la circulation là complètement. Ouais, ah, tu oui, carrément. Oh la vache. Là, il s'est passé un truc là. Je viens de découvrir le drone dans le fond. Le drone, tu as dit? Le bruit ambiant, mais très très bas. Alors que d'habitude, j'arrivais pas à l'entendre à cause de voitures à côté. Et là, il est apparu, mais d'un coup, en fait. D'accord. Enfin, il y a vraiment eu un passage, là, dans les deux derniers pas. On pourrait être dans un parc. Ouais, dans un parc. Mais un parc en bordure de ville, en fait. On n'est pas dans un parc urbain, dans un parc en bordure de ville. Les bruits de circulation, ils sont vraiment là-bas, donc là où j'imagine Grenoble. C'est pour ça que j'arrive pas à savoir ce qu'il y a là. Comme si. Je verrais bien les montagnes. On voit les montagnes là-bas. Et je me le figure en fait. Comme j'imagine Grenoble là, et là j'arrive pas à savoir ce qu'il y a, parce que c'est ultra grand. En même temps, j'entends rien de. Je sais pas. En fait, il se passe vraiment. Pour moi, là-devant, c'est blanc. C'est tout blanc, donc je mettrais bien des montagnes dans le fond. D'accord. Comme si on les voyait. Là, il y a le soleil. Il y a moins d'arbres aussi. Je suis très étonné de ne pas trouver d'herbe sous mes pieds. Non, quand je dis on voit, c'est vraiment. Tu les sens, tu sens une la présence. Sensation que. Bah, je sens une absence et du coup. Un horizon. Voilà, c'est un horizon, exactement. C'est ça. Ah, déjà, il y a des voitures, donc il y a une route. Oh, elle est juste à côté de la route. Mais elle était un peu. J'ai toujours l'impression qu'elles sont un peu en surplomb par rapport à nous. Je les entends vraiment là-haut, les voitures. Là, comme ça. À 2 mètres au-dessus du sol. Là, on a les voitures en haut. Ah, elles sont vraiment en haut, là. J'ai l'impression qu'elles partent comme sur un pont. Des voitures toujours en l'air, mais pourquoi les voitures sont en l'air? Ah, ça s'ouvre là. Ça s'est ouvert en face. Oh. Ah ouais, il y a des. Ah ouais, là ça a carrément changé. Ouais, j'ai pas envie d'essayer de trouver où on est, mais j'ai l'impression qu'il y a un mur derrière nous. On vient de franchir un mur comme ça, là. Bah non, ouais. Les voitures passent à travers le mur, là. Ça n'a aucun sens. Ah! Putain. Ça y est, tu y es ? Ouais, ça y est, j'y suis. Alors ? Ça. Mais j'ai senti, vraiment par contre, quand on est allé vers là-bas, ouais. Il y a quand même eu un moment où j'ai l'impression de passer une limite. Comme si on franchissait un truc. Mmh. Et que ça s'ouvrait vers l'avant et que du coup il y avait une espèce d'écho dans mon dos. Ouais. Je pensais vraiment qu'on était entré dans une cour d'immeuble. En fait.